Après avoir pris congé de ses visiteurs, Anna se mit à arpenter les appartements de long en large. Elle ne se dissimulait pas que, depuis un certain temps, ses rapports avec les hommes s'imprégnaient d'une coquetterie presque involontaire et s'avouait qu'elle avait fait son possible pour tourner la tête à Lévin. Mais quoique celui-ci lui eût plu et qu'elle trouvât, comme Kitty, un rapport secret entre lui et Vronsky, malgré certains contrastes d'extérieur, ce n'est pas à lui qu'elle songeait. Une seule et même pensée la poursuivait. Pourquoi ? Puisque j'exerce une attraction aussi sensible sur un homme marié, amoureux de sa femme, n'en ai-je plus sur lui ? Pourquoi devient-il si froid ? Il m'aime encore, cependant, mais quelque chose nous divise. Il n'est pas rentré de la soirée sous prétexte de surveiller Yavchin. Mais Yavchin est-il un enfant ? Il ne mange pourtant pas. Ce qu'il tient à me prouver, c'est qu'il prétend garder son indépendance. Je ne le conteste pas, mais qu'a-t-il besoin de l'affirmer ainsi ? Ne peut-il donc comprendre l'horreur de la vie que je mène ? Cette longue expectative d'un dévouement qui ne vient pas. Toujours aucune réponse, et que puis-je faire ? Que puis-je entreprendre en attendant ? Rien. Sinon me contenir, ronger mon frein, me forger des distractions. Et qu'est-ce que ces Anglais, ces lectures, ce livre ? Sinon autant de tentatives pour m'étourdir comme la morphine que je prends la nuit. « Son amour seul me sauverait, dit-elle, et des larmes de pitié sur son propre sort lui jaillirent des yeux. » Un coup de sonnette bien connu retentit, et aussitôt Anna, s'essuyant les yeux, feignit le plus grand calme et s'assit près de la lampe avec un livre. Elle tenait à témoigner son mécontentement, non à laisser voir sa douleur. Vronsky ne devait pas se permettre de la plaindre, c'est ainsi qu'elle-même provoquait la lutte qu'elle reprochait à son amant de vouloir engager. Vronsky entra, l'air content et animé, s'approcha d'elle, et lui demanda gaiement si elle ne s'était pas ennuyée. « Oh non, c'est une chose dont je me suis bien déshabitué. Stiva et Lévin sont venus me voir. »« Je le savais. Lévin te plaît-il » demanda-t-il en s'asseyant près d'elle. « Beaucoup, oui. Ils viennent à peine de partir. Qu'as-tu fait de Yashin ?»« Quelle terrible passion que le jeu. Il avait gagné 17 000 roubles et j'étais parvenu à l'emmener lorsqu'il m'a échappé. En ce moment, il repère tout. »« Alors pourquoi le surveiller ?» dit Anna, relevant la tête brusquement et rencontrant le regard glacé de Vronsky. « Après avoir dit à Stiva que tu restais avec lui pour l'empêcher de jouer, tu as bien fini par l'abandonner. »« D'abord, je n'ai chargé Stiva d'aucune commission. »« Puis j'ai pas l'habitude de mentir, » répondit-il avec la froide résolution de lui résister. « Et enfin, j'ai fait ce qu'il me convenait de faire. »« Anna, Anna, pourquoi ces récriminations ?» ajouta-t-il après un moment de silence, tendant sa main ouverte vers elle, dans l'espoir qu'elle y placerait la sienne. Un mauvais esprit la retint. Oh, certainement, tu as fait comme tu l'entendais, qui en doute. Mais pourquoi appuyer là-dessus ? Répondit-elle, tandis que Vronsky retirait sa main d'un air plus résolu encore. « Mais c'est une question d'entêtement, d'opiniâtreté pour toi, » dit-elle. « Il s'agit de savoir qui d'entre nous l'emportera. Si tu savais combien, lorsque je te vois ainsi hostile, je me sens sur le bord d'un abîme, combien j'ai peur de moi-même. » Et, prise de pitié sur son triste sort, elle détourna la tête afin de lui cacher ses sanglots. « Mais à quel propos tout cela ?» dit Vronsky, effrayé de ce désespoir, et se penchant vers Anna pour lui prendre la main et la baiser. « Peux-tu me reprocher de chercher les distractions dehors ? Est-ce que je ne fuis pas la société des femmes ? Il ne manquerait plus que cela Voyons, dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour te rendre heureuse. Je suis prêt à tout pour t'épargner une douleur, dit-il, ému de la voir si malheureuse. Oh, ce n'est rien, répondit-elle, la solitude, les nerfs. N'en parlons plus. Raconte-moi ce qui s'est passé aux courses. Tu m'en as pas encore dit quelque chose, fit-elle, cherchant à dissimuler l'orgueil qu'elle éprouvait d'avoir obligé ce caractère absolu à plier devant elle. Vronsky demanda à souper, et tout en mangeant, lui raconta les incidents de la course. Mais au son de sa voix, à son regard de plus en plus froid, Anna comprit qu'elle payait la victoire qu'elle venait de remporter et qu'il ne lui pardonnait pas les mots. « J'ai peur de moi-même, je me sens sur le bord d'un abîme. » C'était une arme dangereuse dont il ne fallait plus se servir. Il s'élevait entre eux comme un esprit de lutte. Elle le sentait. Elle n'était pas maîtresse non plus que Vronsky de le dominer. Quelques mois auparavant, Lévin n'aurait pas cru possible de s'endormir paisiblement après une journée comme celle qui venait de passer. Mais on s'habitue à tout, surtout lorsqu'on voit les autres faire de même. Il dormait donc tranquille, sans souci de ses dépenses exagérées, de son temps gaspillé, de ses excès au club, de son absurde rapprochement avec un homme jadis amoureux de Kitty, et de sa visite plus absurde encore à une personne qui, après tout, n'était qu'une femme perdue. Le bruit d'une porte qu'on entr'ouvrait le réveilla en sursaut. Kitty n'était pas auprès de lui, et derrière le paravent qui divisait la chambre, il aperçut de la lumière. « Qu'y a-t-il, Kitty, est-ce toi ?»« Bon, ce n'est rien, » répondit celle-ci, apparaissant une bougie à la main et lui souriant d'un air significatif. « Je me sens un peu souffrante. »« Quoi, cela commence ?» s'écria-t-il effrayé, cherchant ses vêtements pour s'habiller au plus vite. « Non, non, non, ce n'est rien. C'est déjà passé, » dit-elle, le retenant de ses deux mains. Et, s'approchant du lit, elle éteignit la bougie et se recoucha. Lévin était si fatigué que, malgré la frayeur qu'il avait éprouvée en voyant sa femme apparaître une lumière à la main, il se rendormit aussitôt. Quant aux pensées qui durent agiter cette chère âme, tandis qu'elle restait ainsi couchée auprès de lui, dans l'attente du moment le plus solennel qui pût marquer la vie d'une femme, il n'y réfléchit que plus tard. Vers 7 heures, Kitty, partagée entre la crainte de l'éveiller et le désir de lui parler, finit par lui toucher l'épaule. « Kostia, n'aie pas peur, ce n'est rien, mais je crois qu'il vaut mieux faire chercher Lizaveta Petrovna. » Elle ralluma la bougie et Lévin l'aperçut assise dans son lit, s'efforçant de tricoter. Je t'en prie, ne t'effraie pas, j'ai pas peur du tout, dit-elle, voyant l'air terrifié de son mari, et elle lui prit la main pour la presser contre son cœur et ses lèvres. Lévin sauta à bas du lit, enfila sa robe de chambre, et toujours sans quitter sa femme des yeux, s'accabla des plus amers reproches en se rappelant la scène de la veille. Ce cher visage, ce regard, cette expression charmante qu'il aimait tant, lui apparurent sous un jour nouveau. Jamais cette âme candide et transparente ne s'était ainsi dévoilée à lui, et désespéré de devoir s'en aller, il ne pouvait s'arracher à la contemplation de ses traits animés d'une joyeuse résolution. Kitty aussi le regardait, mais tout à coup ses sourcils se plissèrent. Elle attira son mari vers elle et se serra contre sa poitrine comme sous l'étreinte d'une vive douleur. Le premier mouvement de Lévin en voyant cette souffrance muette fut encore de s'en croire coupable. Le regard plein de tendresse de Kitty le rassura. Loin de l'accuser, elle semblait l'aimer davantage, et tout en gémissant être fière de souffrir. Il sentit qu'elle atteignait à une hauteur de sentiment qu'il ne pouvait comprendre. « Va, » dit-elle un moment après, « je ne souffre plus. Amène-moi Lizaveta Petrovna, j'ai déjà envoyé chez maman. » Et à son grand étonnement, Lévin la vit reprendre son ouvrage après avoir sonné sa femme de chambre. Il la trouva marchant et prenant des dispositions pour l'arrangement de sa chambre, lorsqu'il rentra après s'être habillé à la hâte et avoir fait atteler. Je vais chez le docteur, j'ai fait prévenir la sage-femme, ne faut-il rien de plus? Ah oui, d'un lit. » Elle le regardait sans écouter et lui fit un geste de la main. « Oui, oui, va, » fit-elle. Et pendant qu'il traversait le salon, il crut entendre une plainte. « Oh, c'est elle qui gémit !» pensa-t-il, et se prenant la tête à deux mains, il se sauva en courant. « Seigneur, ayez pitié de nous, pardonnez-nous, aidez-nous, » disait-il du fond du cœur. Et lui, l'incrédule, ne connaissant plus ni scepticisme ni doute, invoqua celui qui tenait en son pouvoir son âme et son amour. Le cheval n'était pas attelé. Pour ne pas perdre de temps et occuper ses forces et son attention, il partit à pied, donnant l'ordre au cocher de le suivre. Au coin de la rue, il aperçut un petit traîneau d'Isvotchnik arrivant au trot de son maigre cheval et amenant Lisaveta Petrovna en manteau de velours, la tête enveloppée d'un châle. « Dieu merci !» murmura-t-il, apercevant avec bonheur le visage blond de la sage-femme devenue sérieuse et grave. Il courut devant de l'Ivnoshik et l'arrêta. « Pas plus de 2 heures, » dit Lisaveta Petrovna, « alors ne pressez pas trop le docteur et prenez en passant de l'opium à la pharmacie. » « Vous croyez que tout se passera bien ?» demanda-t-il. « Que Dieu vous aide !» Et voyant arriver son cocher, il monta en traîneau et se rendit chez le docteur. Le docteur dormait encore et un domestique, absorbé par le nettoyage de ses lampes, déclara que son maître, s'étant couché tard, avait défendu de l'éveiller. Lévin, d'abord troublé, finit par se décider à aller à la pharmacie, se promettant de rester calme, mais de ne rien négliger pour atteindre son but qui était d'emmener le docteur. À la pharmacie, on commença par lui refuser de l'opium avec autant d'indifférence que le domestique du docteur en avait eu à réveiller son maître. Lévin insista, nomma le médecin qui l'envoyait, la sage-femme, finit par obtenir le médicament, mais à bout de patience, arracha la fiole du pharmacien qui l'étiquetait, l'enveloppait et la ficelait avec un soin exaspérant. Le docteur dormait toujours, et cette fois son domestique secouait les tapis. Résolu à garder son sang-froid, Lévin tira alors un billet de 10 roubles de son portefeuille, et le mettant dans la main de l'inflexible serviteur, lui assura que Pierre Dmitritch ne le gronderait pas, ayant promis de venir à toute heure du jour ou de la nuit. Combien ce Pierre Dmitritch, si insignifiant d'ordinaire, devenait aux yeux de Lévin un personnage important. Le domestique, que ses arguments convainquirent, ouvrit alors un salon d'attente, et bientôt on entendit dans la pièce voisine le docteur tousser et répondre qu'il allait se lever. 3 minutes ne s'étaient pas écoulées que Lévin, hors de lui, frappait à la porte de la chambre à coucher. « Pierre Dmitritch, au nom du ciel, excusez-moi, mais elle souffre depuis plus de 2 heures. »« me voilà, » répondit le docteur. Et au son de sa voix, Lénine comprit qu'il souriait. « Mais ces gens-là n'ont pas de cœur, » pensa-t-il en entendant le docteur faire sa toilette. « Il peut tranquillement se peigner et se laver quand une question de vie ou de mort s'agite peut-être en ce moment. » « Bonjour, Constantin Dmitritch, » dit le docteur en entrant paisiblement au salon. « Que se passe-t-il donc ?» Lévin commença aussitôt un récit long et circonstancié, chargé d'une foule de détails inutiles, en s'interrompant à chaque instant pour presser le docteur de partir. Aussi crut-il que celui-ci se moquait de lui lorsqu'il proposa d'abord de prendre du café. « Je vous comprends, » ajouta le médecin en souriant, « mais croyez-moi, rien ne presse. Et nous autres maris faisons triste figure dans ces cas-là. Le mari d'une de mes clientes se sauve d'habitude à l'écurie. Mais pensez-vous que cela se passe bien? J'ai tout lieu de le croire. Vous allez venir, n'est-ce pas? Dit Lévine, apercevant la domestique avec un plateau. Oh, dans une petite heure. Oh, nom du ciel! Eh bien, laissez-moi prendre mon café, et j'y vais tout de suite. Mais en voyant le docteur procéder flegmatiquement à son déjeuner, Lévine n'y tint plus. Oh, je me sauve, dit-il. Jurez-moi de venir dans un quart d'heure. « Accordez-moi une demi-heure. Parole d'honneur !» Lévine trouva la princesse à la porte, arrivant de son côté, et tous deux se rendirent auprès de Kitty après s'être embrassés les larmes aux yeux. Depuis qu'en s'éveillant, il avait compris la situation, Lévine, bien décidé à soutenir le courage de sa femme, s'était promis de refermer ses impressions et de contenir son cœur à deux mains. Ignorant la durée possible de cette épreuve, il croyait s'être fixé un terme considérable en prenant la résolution de tenir bon pendant 5 heures. Mais quand en rentrant au bout d'une heure, il trouva Kitty souffrant toujours, la crainte de ne pouvoir résister au spectacle de ses tortures s'empara de lui, et il se prit à invoquer le ciel afin de ne pas défaillir. 5 heures s'écoulèrent, l'état restait le même, et, le cœur déchiré, il vit sa terreur grandir avec les souffrances de Kitty. Peu à peu, les conditions habituelles de la vie disparurent, la notion du temps cessa d'exister, et, selon que sa femme se cramponnait fiévreusement à lui ou qu'elle le repoussait avec un gémissement, les minutes lui semblaient des heures ou les heures des minutes. Lorsque la sage-femme demanda de la lumière, il fut tout surpris de voir le soir arriver. Comment cette journée avait-elle passé? Il n'aurait pu le dire. Tantôt il s'était vu auprès de Kitty agitée et plaintive, puis calme, et presque souriante, cherchant à le rassurer. Il se trouvait ensuite auprès de la princesse, rouge d'émotion, ses boucles grises défrisées et se mordant les lèvres pour ne pas pleurer. Il avait aussi vu Dolly, le docteur fumant de grosses cigarettes, la sage-femme avec un visage sérieux mais rassurant, le vieux prince arpentant la salle à manger d'un air sombre. Les entrées et les sorties, tout se confondait dans sa pensée. La princesse et Dolly se trouvaient avec lui dans la chambre de Kitty, puis tout à coup, ils étaient tous transportés dans un salon où une table servie faisait son apparition. On l'employait à remplir des commissions. Il déménageait avec précaution des divans, des tables, et apprenait qu'il venait de préparer son propre lit pour la nuit. On l'envoyait demander quelque chose au docteur, et celui-ci lui répondait et lui parlait des désordres impardonnables de la Douma. Il se transportait chez la princesse, décrochait une image sainte dans sa chambre avec l'aide d'une vieille camériste. Il brisait une petite lampe et entendait la vieille bonne le consoler de cet accident et l'encourager au sujet de sa femme. Mais comment tout cela était-il arrivé? Pourquoi la princesse lui prenait-elle la main d'un air de compassion? Pourquoi Dolly cherchait-elle à le faire manger avec force raisonnement? Pourquoi le docteur lui-même lui offrait-il des pilules en le regardant gravement? Il se sentait dans le même état moral qu'un an auparavant près du lit de mort de Nicolas. L'attente de la douleur, comme actuellement, celle du bonheur, le transportait et le transperçait au-dessus du niveau habituel de l'existence à des hauteurs d'où il découvrait les sommets plus élevés encore, et son âme criait vers Dieu avec la même simplicité et la même confiance qu'au temps de son enfance. Sa vie, pendant ces longues heures, lui sembla dédoublée. Une moitié se passait au pied du lit de Kitty, l'autre chez lui, dans son cabinet, à parler de choses indifférentes. Et toujours un sentiment de culpabilité s'emparait de lui lorsqu'un gémissement arrivait à son oreille. Il se levait et courait alors vers sa femme, se rappelait en chemin qu'il n'y pouvait rien, voulait l'aider, la soutenir, et se reprenait à prier. Les bougies achevaient de brûler dans leurs bobèches, et Lévin, assis près du docteur, l'entendait discourir sur le charlatanisme des magnétiseurs, lorsqu'un cri qui n'avait rien d'humain retentit. Il resta pétrifié, sans oser bouger, regardant le docteur avec épouvante. Celui-ci pencha la tête comme pour mieux écouter et sourit d'un air d'approbation. Lévy en était venu à ne plus s'étonner de rien, il se dit « Bon, cela doit être ainsi. » Mais pour s'expliquer ce cri, il rentra sur la pointe des pieds dans la chambre de la malade. Évidemment, quelque chose de nouveau s'y passait. Il reconnut à la grave expression du visage pâle de la sage-femme qui ne quittait pas des yeux Kitty. La pauvre petite tourna la tête vers lui et chercha de sa main moite la main de son mari qu'elle pressa sur son front. « Reste, reste, je n'ai pas peur, » dit-elle d'une voix saccadée. « Maman, ôtez-moi mes boucles d'oreilles. Lisaveta Petrovna, ce sera bientôt fini, n'est-ce pas ?» Tandis qu'elle parlait encore, son visage se défigura tout à coup et le même cri épouvantable retentit. Lévin se prit la tête à deux mains et se sauva de la chambre. « Ce n'est rien, tout va bien, » lui murmura Dolly. Mais on avait beau dire, il savait maintenant que tout était perdu. Appuyé au chambranle de la porte, il se demandait si ce pouvait être Kitty qui poussait des hurlements pareils. Il ne songeait à l'enfant que pour en avoir horreur. Il ne demandait même plus à Dieu la vie de sa femme, mais de mettre un terme à d'aussi atroces souffrances. « Mais docteur, mon Dieu, qu'est-ce que cela veut dire ?» dit-il en saisissant le bras du docteur qui entrait. « C'est la fin, » répondit celui-ci d'un ton si sérieux qu'il comprit que Kitty se mourait. Ne sachant plus que devenir, il rentra dans la chambre à coucher et, croyant mourir avec sa femme, et ne la reconnaissant plus dans la créature torturée qui gisait devant lui. Soudain, les cris cessèrent. Il n'y pouvait croire. On chuchota avec des allées et venues discrètes, et la voix de sa femme murmurant avec une indéfinissable expression de bonheur « C'est fini !» parvint jusqu'à lui. Il leva la tête, elle le regardait, une main fessée sur la couverture, belle d'une beauté surnaturelle, et cherchant à lui sourire. Les cordes trop tendues se rompirent et, sortant de ce monde mystérieux et terrible où il s'était agité pendant 22 heures, Lévin se sentit rentrer dans la réalité d'un lumineux bonheur. Il fondit en larmes et des sanglots qu'il était loin de prévoir le secouèrent si violemment qu'il ne put parler. À genoux près de sa femme, il appuyait ses lèvres sur la main de Kitty, tandis qu'au pied du lit s'agitait entre les mains de la sage-femme, semblable à la lueur vacillante d'une petite lampe, la faible flamme de vie de cet être humain qui entrait dans le monde, avec des droits à l'existence, au bonheur, et qui, une seconde auparavant, n'existait pas. « il vit, ne craignez rien, et c'est un garçon !» entendit Lévin. Pendant que d'une main tremblante, Lisaveta Petrovna frictionnait le dos du nouveau-né. « Maman, c'est bien vrai ?» demanda Kitty. La princesse ne répondit que par un sanglot. Comme pour ôter le moindre doute à sa mère, une voix s'éleva au milieu du silence général. Et cette voix était un cri tout particulier, hardi, décidé, presque impertinent, poussé par ce nouvel être humain. Lévin, quelques moments auparavant, aurait cru sans hésitation, si quelqu'un le lui eût dit, que Kitty était morte. Lui aussi, que leurs enfants étaient des anges et qu'ils se trouvaient en présence de Dieu. Et maintenant qu'il rentrait dans la réalité, il dut faire un prodigieux effort pour admettre que sa femme vivait, qu'elle allait bien, et que ce petit être était son fils. Le bonheur de savoir Kitty sauvée était immense. Mais pourquoi cet enfant, d'où venait-il? Oh, cette idée lui parut difficile à accepter, et il fut longtemps sans pouvoir s'y habituer. Le vieux prince, Serge Ivanitch et Stepan Arkadievitch se trouvaient réunis le lendemain vers 10 heures chez Lévin pour y prendre des nouvelles de l'accouchée. Lévin se croyait séparé de la veille par un intervalle de 100 ans. Il écoutait les autres parler et faisait effort pour descendre jusqu'à eux, sans les offenser, des hauteurs auxquelles il planait. Tout en causant de choses indifférentes, il pensait à sa femme, à l'état de sa santé, à son fils, à l'existence duquel il ne croyait toujours pas. Le rôle de la femme dans la vie avait pris pour lui une grande importance depuis son mariage, mais la place qu'elle y occupait en réalité dépassait maintenant toutes ses prévisions. « Fais-moi savoir si je puis entrer, » dit le vieux prince, en le voyant sauter de son siège pour aller voir ce qui se passait chez Kitty. Elle ne dormait pas. Coiffée de rubans bleus et bien arrangée dans son lit, elle était étendue, les mains posées sur la couverture, causant à voix basse avec sa mère. Son regard brilla en voyant approcher son mari. Son visage avait le calme surhumain qu'on remarque dans la mort, mais, au lieu d'un adieu, elle souhaitait la bienvenue à une vie nouvelle. L'émotion de Lévin fut si vive qu'il détourna la tête. « As-tu un peu dormi ?» demanda-t-elle. « Moi, j'ai sommeillé, je me sens si bien. » L'expression de son visage changea subitement en entendant venir l'enfant. « Donnez-le-moi, que je le montre à son père, » dit-elle à la sage-femme. « Nous allons nous montrer dès que nous aurons fait notre toilette, » répondit celle-ci en emmaillotant l'enfant au pied du lit. Lévin regarda le pauvre petit avec de vains efforts pour se découvrir des sentiments paternels. Il fut cependant pris de pitié en voyant la sage-femme manier ses membres grêles et fit un geste pour l'arrêter. « Oh, soyez tranquille, » dit celle-ci en riant, « je ne lui ferai pas de mal. » Et après avoir arrangé son poupon comme elle l'entendait, elle le présenta avec fierté en disant « c'est un enfant superbe !» Mais cet enfant superbe, avec son visage rouge, ses yeux bridés, sa tête branlante, n'inspira à Lévin qu'un sentiment de pitié et de dégoût. Il s'attendait à toute autre chose, et se détourna tandis que la sage-femme le posait sur les bras de Kitty. Tout à coup, celle-ci se mit à rire, l'enfant avait pris le sein. « C'est assez maintenant, » dit la sage-femme au bout d'un moment, mais Kitty ne voulut pas lâcher son fils, qui s'endormit près d'elle. « Regarde-le maintenant, » dit-elle en tournant l'enfant vers son père, au moment où le petit visage prenait une expression plus vieillotte encore pour éternuer. Lévin se sentit prêt à pleurer d'attendrissement. Il embrassa sa femme et quitta la chambre. Combien les sentiments que lui inspirait ce petit être étaient différents de ceux qu'il avait prévus. Il n'éprouvait ni fierté ni bonheur, mais une pitié profonde, une crainte si vive que cette pauvre créature sans défense ne souffrit qu'en la voyant éternuer, il n'avait pu se défendre d'une joie imbécile. Les affaires de Stepan Arkadievitch traversaient une phase critique. Il avait dépensé les 2/3 de l'argent rapporté par la vente du bois et le marchand ne voulait plus rien avancer. Dolly, pour la première fois de sa vie, avait refusé sa signature lorsqu'il s'était agi de donner un reçu pour escompter le dernier tiers du paiement. Elle voulait dorénavant affirmer ses droits sur sa fortune personnelle. La situation devenait fâcheuse, mais Stepan Arkadievitch ne l'attribuait qu'à la moitié de son traitement et se reprochait, en voyant plusieurs de ses camarades occuper des fonctions rémunératrices, de s'endormir et de se laisser oublier. Aussi se mit-il en quête de quelques bonnes places bien rétribuées, et vers la fin de l'hiver, il crut l'avoir trouvée. C'était une de ces places, comme on la rencontre maintenant, variant de 1 000 à 50 000 roubles de rapport annuel, et exigeant des aptitudes si variées en même temps qu'une activité si extraordinaire, que faute de trouver un homme assez richement doué pour le remplir, on se contente d'y mettre un homme honnête. Stepan Arkadievitch l'était dans toute la force du terme, selon la société moscovite, car pour Moscou, l'honnêteté a deux formes. Elle consiste à savoir tenir tête adroitement aux sphères gouvernementales, aussi bien qu'à ne pas frustrer son prochain. Oblonsky pouvait cumuler cette position avec ses fonctions actuelles et y gagner une augmentation de revenus de 7 à 10 000 roubles. Mais tout dépendait du bon vouloir de deux ministres, d'une dame et de deux Israélites qu'il devait aller solliciter à Pétersbourg après avoir mis en campagne les influences dont il disposait à Moscou. Ayant en outre promis à Anna de voir Karénine au sujet du divorce, il extorqua à Dolly 50 roubles et partit pour la capitale. Reçu par Karénine, il dut commencer par subir l'exposé d'un projet de réforme sur le relèvement des finances russes, en attendant le moment de placer son mot sur ses projets personnels et ceux d'Anna. C'est fort juste, dit-il, lorsqu'Alexis Alexandrovitch, arrêtant sa lecture, ôta le pince-nez sans lequel il ne pouvait plus lire, pour regarder son beau-frère d'un air interrogateur. C'est fort juste dans le détail, mais le principe dirigeant de notre époque n'est-il pas en définitive la liberté ? Le principe nouveau que j'expose embrasse également celui de la liberté, répondit Alexis Alexandrovitch en remettant son pince-nez pour indiquer dans son élégant manuscrit un passage concluant. Car si je réclame le système protectionniste, ce n'est pas pour l'avantage du petit nombre, mais pour le bien de tous, des basses classes comme des classes élevées. Et c'est là ce qu'ils ne veulent pas comprendre, ajouta-t-il en regardant Oblonsky par-dessus son pince-nez, absorbés qu'ils sont par leurs intérêts personnels et si aisément satisfaits de phrases creuses. Stepan Arkadievitch savait que Karénine était au bout de ses démonstrations, lorsqu'il l'interpellait, ceux qui s'opposaient aux réformes qu'il élaborait. Aussi ne chercha-t-il pas à sauver le principe de la liberté et attendit-il qu'Alexis Alexandrovitch se tût en feuilletant son manuscrit d'un air pensif. « À propos, dit Oblonsky, après un moment de silence, je te prierai, dans le cas où tu rencontrerais Pomorski, de lui dire un mot pour moi. Je voudrais être nommé membre de la commission des agences réunies du Crédit Mutuel et des Chemins de Fer du Sud. » Stepan Arkadievitch savait nommer sans se tromper la place à laquelle il aspirait. « Pourquoi veux-tu cette place ?» demanda Karénine, craignant une contradiction avec ses plans de réforme. Mais le fonctionnement de cette commission était si compliqué et les projets de réforme de Karénine si vastes qu'on ne pouvait à première vue s'en rendre compte. « Le traitement est de 9 000 roubles et mes moyens... »« 9 000 roubles !» répéta Karénine, se rappelant qu'un des points sur lesquels il insistait était l'économie. « Ces appointements exagérés sont, comme je le prouve dans ma brochure, une preuve de la défectuosité de notre assiette économique. » « Un directeur de banque touche bien 10 000 roubles et un ingénieur jusqu'à 20 000. Ce ne sont pas des sinécures. Selon moi, ces traitements doivent être considérés au même point de vue que le prix d'une marchandise. et par conséquent être soumis aux mêmes lois d'offres et de demandes. Or, si je vois deux ingénieurs également capables, ayant fait au corps les mêmes études, recevoir l'un 40 000 roubles tandis que l'autre se contente de 2 000, et si d'autre part je vois un hussard qui ne possède aucune connaissance spéciale devenir directeur d'une banque avec des appointements phénoménaux, je conclus qu'il y a là un vice économique d'une désastreuse influence sur le service de l'État. Oui, mais tu conviendras cependant qu'il est essentiel de faire occuper ces postes par des hommes honnêtes, interrompit Stéphane Arkadievitch, appuyant sur ce dernier mot. C'est un mérite négatif, répondit Alexis Alexandrovitch, insensible à la signification moscovite de ce terme. Fais-moi le plaisir, néanmoins, d'en parler à Pomorski. Volontiers, mais il me semble que Bolgarine doit être plus influent. Bolgarine est bien disposé, se hâta de dire Oblonski rougissant, en se rappelant avec un certain malaise la visite qu'il avait faite le matin même à cet Israélite et la façon dont lui, prince Oblonski, descendant de Rurik, avait fait antichambre pour être, après une longue attente, reçu avec une politesse obséquieuse qui cachait mal le triomphe de Bolgarine, fier de se voir sollicité par un prince. Il avait presque essuyé un refus, mais ne s'en souvenait que maintenant, tant il avait cherché à l'oublier et en rougissait involontairement. Il me reste encore une chose à te demander. Tu devines laquelle? Anna, dit Stepan Arkadievitch, repoussant les souvenirs désagréables de sa pensée. Le visage de Karénine prit à ce moment une expression de rigidité cadavérique. « Que voulez-vous encore de moi ? » dit-il, se retournant sur son fauteuil et fermant son pince-nez. Ben, « Une décision quelconque, Alexis Alexandrovitch. Je m'adresse à toi, non comme, » il allait dire au mari trompé, et s'arrêta pour articuler avec peu d'à-propos « à l'homme d'État, mais comme au chrétien, à l'homme de cœur. Aie pitié d'elle. » « De quelle façon ? » demanda Karénine doucement. « Elle te ferait peine si tu la voyais. Sa situation est cruelle. Ben, »« Je croyais, dit tout à coup Karénine d'une voix perçante, qu'Anna Arkadievna avait obtenu tout ce qu'elle souhaitait. » « Ne récriminons pas, Alexis Alexandrovitch. Le passé ne nous appartient plus. Ce qu'elle attend maintenant, c'est le divorce. » J'avais cru comprendre qu'au cas où je garderais mon fils, Anna Arkadievna refusait le divorce. Mon silence équivalait donc à une réponse, car je considère cette question comme jugée, dit-il en s'animant de plus en plus. Ne nous échauffons pas de grâce, dit Stéphane Arkadievitch, touchant le genou de son beau-frère. Récapitulons plutôt. Au moment de votre séparation, avec une générosité inouïe, tu lui laissais ton fils et acceptais le divorce. Elle s'est alors sentie trop coupable envers toi, trop humiliée pour accepter. Mais l'avenir lui a prouvé qu'elle s'était créée une situation intolérable. La situation d'Anna Arkadievna ne m'intéresse en rien, dit Karénine en levant les sourcils. Permets-moi de ne pas le croire, répondit Oblonski avec douceur. Mais en admettant qu'elle ait, selon toi, mérité de souffrir, le fait est que nous sommes tous malheureux et que nous te supplions de la prendre en pitié. À qui ces souffrances profitent-elles? En vérité, ne dirait-on pas que c'est moi que vous en accusez? Mais non, dit Stéphane Arkadievitch, touchant cette fois le bras de Karénine, comme s'il eût espéré l'adoucir par ses gestes. Je veux simplement te faire comprendre que tu ne peux rien perdre à ce que sa position s'éclaircisse. D'ailleurs, tu l'as promis. Laisse-moi arranger la chose. Tu n'auras pas à t'en occuper. Mon consentement a été donné autrefois et j'ai pu croire qu'Anna Arkadievna aurait à son tour la générosité de comprendre. » Les lèvres tremblantes de Karénine purent à peine prononcer ces mots. « Elle ne demande plus l'enfant. Elle ne demande que le moyen de sortir de l'impasse où elle se trouve. Le divorce devient pour elle une question de vie ou de mort. Elle se serait peut-être soumise si elle n'avait eu confiance en ta promesse et si depuis 6 mois qu'elle est à Moscou, elle n'y vivait dans la fièvre de l'attente. Sa situation est celle d'un condamné à mort qui aurait depuis 6 mois la corde au cou et ne saurait s'il doit attendre sa grâce ou le coup final. Aie pitié d'elle. Et quant aux scrupules, je ne parle pas de cela, interrompit Karénine avec dégoût. Mais j'ai peut-être promis plus que je ne suis en mesure de te dire. Tu refuses alors ? Je ne refuse jamais le possible, mais je demande le temps de réfléchir. Vous professez d'être un libre penseur, mais moi, qui suis croyant, je ne puis éluder la loi chrétienne dans une question si grave. Mais notre Église n'admet-elle donc pas le divorce ? S'écria Stepan Arkadievitch, sautant de son siège. Pas dans ce sens. Alexis Alexandrovitch, je ne te reconnais plus, dit Oblonsky, après un moment de silence. Est-ce toi qui disais autrefois, après le manteau, il faut encore donner la robe, et maintenant, je vous serais obligé de couper court à cet entretien, dit Karénine, se levant tout à coup, tremblant de tous ses membres. Pardonne-moi de t'affliger, répondit Oblonsky confus, et lui tendant la main, mais il fallait bien remplir la mission dont j'étais chargé. Karénine mit sa main dans celle de Stepan Arkadievitch et dit après avoir réfléchi un instant, « Vous aurez ma réponse définitive après-demain. Il faut que je cherche ma voie. » Stepan Arkadievitch allait sortir lorsque le valet de chambre annonça « Serge Alexeïevitch !»« Qui est-ce ? » demanda Oblonsky. « Mais c'est Serge, fit-il se ravisant, et moi qui croyais qu'il s'agissait de quelque directeur du département. Anna m'a prié de le voir, pensa-t-il. » Et il se souvint de l'air craintif et triste dont Anna lui avait dit « Tu le verras et tu pourras savoir ce qu'il fait, où il est, qui prend soin de lui, et s'il va, si c'était possible avec le divorce. » Il avait compris l'ardent désir d'obtenir la garde de l'enfant, mais après la conversation qu'il venait d'avoir, c'était hors de question. Il n'en fut pas moins content de revoir Serge, quoique Karine se fût hâtée de le prévenir qu'on ne lui parlait pas de sa mère. Il a été gravement malade après leur dernière entrevue. Nous avons craint un moment pour sa vie, aussi maintenant qu'il s'est remis et bien fortifié au bain de mer, ai-je suivi le conseil du docteur en le mettant en pension. L'entourage de camarades de son âge exerce une heureuse influence sur lui. Il va à merveille et travaille bien. Mais ce n'est plus un enfant, c'est vraiment un homme, s'écria Stepan Arkadievitch, voyant entrer un beau garçon robuste, vêtu d'une veste d'écolier, qui courut sans aucune timidité vers son père. Serge salua son oncle comme un étranger, puis en le reconnaissant, il se détourna et tendit ses notes à son père. « C'est bien, dit celui-ci, tu peux aller jouer. » Il a grandi et maigri et perdu son air enfantin, remarqua Stepan Arkadievitch en souriant. « Tu te souviens de moi ?»« Oui, mon oncle, répondit l'enfant, qui se sauva le plus vite possible. » Depuis un an que Serge avait revu sa mère, ses souvenirs s'étaient peu à peu effacés, et la vie qu'il menait, entouré d'enfants de son âge, y contribuait. Il repoussait même ses souvenirs comme indigne d'un homme, et personne ne lui parlant de sa mère, il en avait conclu que ses parents étaient brouillés et qu'il devait s'habituer à l'idée de rester avec son père. La vue de son oncle le troubla. Il craignit de retomber dans une sensibilité qu'il avait appris à redouter et préféra ne pas songer au passé. Stepan Arkadievitch le trouva jouant sur l'escalier en quittant le cabinet de Karénine, et l'enfant se montra plus communicatif hors de la présence de son père. Il se laissa questionner sur ses leçons, ses jeux, ses camarades, répondit à son oncle d'un air heureux, et celui-ci, en admirant ce regard vif et gai, si semblable à celui de sa mère, ne put s'empêcher de lui demander « Te rappelles-tu ta mère ?»« Non, » répondit l'enfant devenant pourpre, et son oncle ne parvint plus à le faire causer. Lorsque le précepteur trouva Serge une demi-heure sur l'escalier, il ne put démêler s'il pleurait ou s'il boudait. « Vous êtes-vous fait mal ? » demanda-t-il. « Si je m'étais fait mal, personne ne s'en douterait, » répondit l'enfant. « Qu'avez-vous donc ? » ?»« Rien, laissez-moi. » »« Mais pourquoi ne me laisse-t-on pas tranquille ? Qu'est-ce que cela peut faire si je me souviens ou si j'oublie ?» Et l'enfant semblait défier le monde entier. Stepan Arkadievitch ne consacra pas son séjour à Pétersbourg exclusivement à ses affaires. Il venait, disait-il, s'y remonter, car Moscou, en dépit de ses cafés chantants et de ses tramways, n'en restait pas moins une espèce de marécage dans lequel on s'embourbait moralement. Le résultat forcé d'un séjour trop prolongé dans cette eau stagnante était de s'y affaisser de corps et d'esprit. Oblonski lui-même y tournait allègre, se querellait avec sa femme, se préoccupait de sa santé, de l'éducation de ses enfants, des menus détails du service. Il en venait même à s'inquiéter d'avoir des dettes. Aussitôt qu'il mettait le pied à Pétersbourg, il reprenait goût à l'existence et oubliait ses ennuis. On y entendait si différemment la vie et les devoirs envers la famille. Le prince Tchelchenski ne veut-il pas de lui raconter, la plus simplement du monde, qu'ayant deux ménages, il trouvait fort avantageux d'introduire son fils légitime dans sa famille de cœur afin de le déniaiser. Aurait-on compris cela à Moscou ? Ici, on ne s'embarrassait pas des enfants à la façon de Lvov. Ils allaient à l'école ou en pension, et on ne renversait pas les rôles en leur donnant une place exagérée dans la famille. Le service de l'État s'y faisait aussi dans des conditions si différentes. On pouvait se créer des relations, des protections, arriver à faire carrière. Stepan Arkadievitch avait rencontré un de ses amis, Bortnianski, dont la position grandissait rapidement. Il lui parla de la place qu'il convoitait. « Quelle singulière idée as-tu d'avoir recours à ces Juifs ? Ce sont toujours là de vilaines affaires. J'ai besoin d'argent, il faut trouver de quoi vivre. »« Mais ne vis donc-tu pas ? Oui, mais avec des dettes. »« En as-tu beaucoup ?» demanda Bronianski avec sympathie. « Oh oui, 20 000 roubles. » Bronianski éclata de rire. Mortel, j'ai 1,5 million de dettes, moi. Je ne possède pas un sou. Et comme tu peux t'en apercevoir, je vis quand même. » Cet exemple était confirmé par beaucoup d'autres. Et comme on rajeunissait à Pétersbourg, Stepan Arkadievitch éprouvait le même sentiment que son oncle, le prince Pierre, à l'étranger. « Nous ne savons pas vivre ici, » disait ce jeune homme de 60 ans. « Abad, je me sens renaître. Je m'égaye à dîner. Les femmes m'intéressent. Je suis fort et vigoureux. Rentrer en Russie pour y retrouver mon épouse, et à la campagne encore. Je tombe à plat, je ne quitte plus ma robe de chambre. Adieu les jeunes beautés. Je suis vieux, je pense à mon salut. Pour me refaire, il faut Paris. » Le lendemain de son entrevue avec Karénine, Stepan Arkadievitch alla voir Betsy Tverskoï, avec laquelle ses relations étaient assez bizarres. Il avait l'habitude de lui faire la cour en riant et de lui tenir des propos assez lestes. Mais ce jour-là, sous l'influence de l'air de Pétersbourg, il se conduisit avec tant de légèreté qu'il fut heureux de voir la princesse Miankaya interrompre un tête-à-tête qui commençait à le gêner, n'ayant aucun goût pour Betsy. « Ah, vous voilà, » dit la grosse princesse en l'apercevant. « Et que fait votre pauvre sœur ? Oh, depuis que des femmes qui font 100 fois plus qu'elle lui jettent la pierre, je l'absous complètement. Comment Wronski ne l'a-t-il pas averti de leur passage à Pétersbourg ? J'aurais mené votre sœur partout. Faites-lui mes amitiés, parlez-moi d'elle. » « Ta position est fort pénible, » commença Stepan Arkadievitch. Mais la princesse, qui poursuivait son idée, l'interrompit. Elle a d'autant mieux fait que c'était pour planter là cet imbécile. Oh, je vous demande pardon, votre beau-frère, qu'on a toujours voulu faire passer pour un aigle. Moi seul ai toujours protesté, et l'on est de mon avis maintenant qu'il s'est lié avec la comtesse Lydie et Lando. Cela me gêne d'être de l'avis de tout le monde. Ah, vous allez peut-être m'expliquer une énigme. Hier, à propos du divorce, mon beau-frère m'a dit qu'il ne pouvait me donner de réponse avant d'avoir réfléchi. Et un matin, je reçois une invitation de Lydie Ivanovna pour passer la soirée. « C'est bien cela !» s'écria la princesse enchantée. « Ils consulteront Lando. »« Qui est Lando ?»« Comment vous ne savez pas ?»« Le fameux Jules Lando, le clairvoyant. »« Voilà ce que l'on gagne à vivre en province. » Lando était commis de magasin à Paris. Il vint un jour chez un médecin, s'endormit dans le salon de consultation, et pendant son sommeil, donna les conseils les plus surprenants aux assistants. La femme du Yuri Miridinsky, il appelait auprès de son malade. Selon moi, il ne lui a fait aucun bien, car Miridinsky reste tout aussi malade que devant. Mais sa femme et lui sont toqués de Lando, l'ont promené partout à leur suite et l'ont amené en Russie. Naturellement, on s'est jeté sur lui ici. Il traite tout le monde. Il a guéri la princesse Vesoubov, qui, par reconnaissance, l'a adopté. Comment cela ? Je dis bien adopté. Il ne s'appelle plus Lando, mais Prince Vesoubov. Lydie, que j'aime du reste beaucoup, malgré sa tête à l'envers, n'a pas manqué de se coiffer de Lando, et rien de ce qu'elle et Karénine entreprennent ne se décide sans l'avoir consulté. Le sort de votre sœur est donc entre les mains de Lando, Comte Vesoubov. Après un excellent dîner chez Borlianski, suivi de quelques verres de cognac, Stepan Arkadievitch se rendit chez la comtesse Lydie un peu plus tard que l'heure indiquée. « Y a-t-il du monde chez la comtesse ?» demanda-t-il au Suisse, en remarquant auprès du paletot bien connu de Karénine un bizarre manteau à agrafes. « Alexis Alexandrovitch, Karénine et le comte Vesoubov, » répondit gravement le Suisse. La princesse Miankaya avait raison, pensa Oblonski en montant l'escalier. C'est une femme cultivée que la princesse. Elle a une grande influence et pourrait peut-être dire un mot à Pomorski. La nuit n'était pas encore venue, mais dans le petit salon de la comtesse, Lydie, les stores étaient baissés et elle-même, assise près d'une table éclairée par une lampe, causait à voix basse avec Karénine, tandis qu'un homme pâle et maigre, avec des jambes grêles et une tournure féminine, de longs cheveux retombant sur le collet de sa redingote et de beaux yeux brillants, se tenait à l'autre bout de la pièce, examinant les portraits suspendus au mur. Oblonski, après avoir salué la maîtresse de la maison, se retourna involontairement pour examiner ce singulier personnage. « Monsieur Lando !» dit la comtesse doucement et avec une précaution qui frappa Oblonski. Lando s'approcha aussitôt. posa sa main humide dans celle d'Oblonsky, auquel la comtesse le présenta, et reprit son poste près des portraits. Lydie Ivanovna et Karénine échangèrent un regard. « Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui, » dit la comtesse à Oblonsky en lui désignant un siège. « Vous remarquez, » ajouta-t-elle à mi-voix, « que je voulais présenter sous le nom de Lando, mais vous savez qu'il se nomme comte Bessoumov. Il n'aime pas ce titre. Ah, on m'a dit qu'il avait guéri la princesse Bessoumov. « Oui, elle est venue me voir aujourd'hui, » dit la comtesse en s'adressant à Karénine, « et fait pitié à voir. Cette séparation lui porte un coup affreux. Ah, le départ est donc décidé. Oui, il va à Paris. Il a entendu une voix, » dit Lydie Ivanovna, regardant Oblonsky. « Une voix, vraiment ?» répéta celui-ci, sentant qu'il fallait user d'une grande prudence dans une société où se produisaient d'aussi étranges incidents. « Je vous connais depuis longtemps, » dit la comtesse à Oblonsky, après un moment de silence. « Les amis de nos amis sont nos amis, mais pour être vraiment amis, il faut se rendre compte de ce qui se passe dans l'âme de ceux qu'on aime. Et je crains que vous n'en soyez pas là avec Alexis Alexandrovitch. Vous comprenez ce que je veux dire ?» fit-elle en levant ses beaux yeux rêveurs vers Stepan Arkadievitch. Bon, je comprends en partie que la position d'Alexis Alexandrovitch, répondit Oblonsky, ne comprenant pas du tout et désireux de rester dans les généralités. Oh, je ne parle pas des changements extérieurs, dit gravement la comtesse, suivant de regard tendre Karénine qui s'était levée pour rejoindre Lando. « C'est l'âme qui est changée, et je crains fort que vous n'ayez pas suffisamment réfléchi à la portée de cette transformation. Nous avons toujours été amis, et je puis me figurer maintenant en très généraux, » dit Oblonsky, répondant au regard profond de la comtesse par un regard caressant, tout en songeant à celui des deux ministres auprès duquel elle pourrait le plus efficacement le servir. Cette transformation ne saurait porter atteinte à son amour pour le prochain. Au contraire, elle l'élève, l'épure. Mais je crains que vous ne compreniez pas. Pas tout à fait, comtesse. Son malheur, oui, son malheur est devenu la cause de son bonheur, puisque son cœur s'est éveillé à lui, dit-elle en plongeant ses yeux pensifs dans ceux de son interlocuteur. Je crois qu'on pourra la prier de parler à tous les deux, pensa Oblonsky. Oh, certainement, comtesse, mais ce sont des questions intimes qu'on n'ose pas aborder. Au contraire, nous devons nous entraider. Sans aucun doute, mais les différences de conviction. Et d'ailleurs, dit Oblonsky avec son sourire onctueux, je crois qu'il va s'endormir, dit Alexis Alexandrovitch, s'approchant de la comtesse pour lui parler à voix basse. Stepan Arkadievitch se retourna. Lando s'était assis près de la fenêtre, le bras appuyé sur un fauteuil, et la tête baissée, il la releva et sourit d'un air enfantin en voyant les regards tournés vers lui. « Ne faites pas attention !» dit la comtesse avançant un siège à Karénine. J'ai remarqué que les moscovites, les hommes surtout, étaient fort indifférents en matière de religion. J'aurais cru le contraire, comtesse. Mais vous-même, dit Alexis Alexandrovitch avec son sourire fatigué, vous me semblez appartenir à la catégorie des indifférents. Est-il possible de l'être ? S'écria Lydie Ivanovna. Je suis plutôt dans l'attente, répondit Oblonsky avec son plus aimable sourire. Mon heure n'est pas encore venue. Karénine et la comtesse se regardèrent. Nous ne pouvons jamais connaître notre heure, ni nous croire prêts, dit Alexis Alexandrovitch. La grâce ne frappe pas toujours le plus digne, témoin Saül. Pas encore, murmura la comtesse, suivant des yeux les mouvements du Français qui s'était rapproché. Me permettez-vous d'écouter ? Demanda-t-il. Oh, certainement, nous ne voulions pas vous gêner. Prenez place, dit la comtesse tendrement. L'essentiel est de ne pas fermer les yeux à la lumière, continua Alexis Alexandrovitch. Et quel bonheur! N'éprouve-t-on pas à sentir sa présence constante dans notre âme? On peut essentiellement être incapable de s'élever à une hauteur semblable, dit Stepan Arkadievitch, convaincu que les hauteurs religieuses n'étaient pas son fait, mais craignant d'indisposer une personne qui pouvait parler à Pomorski. Vous voulez dire que le péché nous en empêche ? Mais c'est une idée fausse. Le péché n'existe plus pour celui qui croit. Oui, mais la foi sans les œuvres n'est-elle pas lettre morte ? Dit Stepan Arkadievitch, se rappelant cette phrase de son catéchisme. « Ah, le voilà, ce fameux passage de l'épître de Saint-Jacques qui a fait tant de mal !» s'écria Karénine en regardant la comtesse, comme pour lui rappeler de fréquentes discussions sur ce sujet. « Que d'âme n'aura-t-il pas éloigné de la foi ?»« Ce sont nos moines qui prétendent se sauver par les œuvres, les jeûnes, les abstinences, etc. » dit la comtesse d'un air de souverain mépris. « Le Christ, en mourant pour nous, nous sauve par la foi, » reprit Karénine. « Vous comprenez l'anglais ?» demanda Lydie Ivanovna. Et sur un signe affirmatif, elle se leva pour prendre une brochure sur une étagère. « Je vais vous lire « Safe and Happy » ou « Under the Wing », dit-elle en interrogeant Karénine du regard. « C'est très court, » ajouta-t-elle, en venant se rasseoir. Vous verrez le bonheur surhumain qui remplit l'âme croyante. Ne connaissant plus la solitude, l'homme n'est plus malheureux. Connaissez-vous Mary Sanin ? Vous savez son malheur ? Elle a perdu son fils unique. Eh bien, depuis qu'elle a trouvé sa voie, son désespoir s'est changé en consolation. Elle remercie Dieu de la mort de son enfant. Tel est le bonheur que donne la foi. Oh, oui, certainement, murmura Stepan Arkadievitch, heureux de pouvoir se taire pendant la lecture et de ne pas risquer ainsi de compromettre ses affaires. Je ferais mieux de ne rien demander aujourd'hui, pensa-t-il. Cela vous ennuiera, dit la comtesse Alando, car vous ne savez pas l'anglais. « Oh, je comprendrai, » répondit celui-ci avec un sourire. Alexis Alexandrovitch et la comtesse se regardèrent et la lecture commença. Stepan Arkadievitch était fort perplexe. Après la monotonie de la vie moscovite, celle de Pétersbourg offrait des contrastes si vifs qu'il en était troublé. Il aimait la variété, mais lui préférait plus conforme à ses habitudes, et il se sentait égaré dans cette sphère absolument étrangère. Tout en écoutant la lecture et en voyant les yeux de Lando fixés sur lui, il éprouva une certaine lourdeur de tête. Les pensées les plus diverses pressaient dans son cerveau sous le regard du Français, qui lui semblait à la fois naïf et rusé. « Marie Sanin !» est heureuse d'avoir perdu son fils. Ah, si je pouvais fumer ! Pour être sauvé, il suffit de croire. Les moines n'y entendent rien, mais la comtesse le sait bien. Pourquoi ai-je si mal à la tête ? Est-ce à cause du cognac ou de l'étrangeté de cette soirée ? Je n'ai rien commis d'incongru jusqu'ici, mais Je n'oserais rien demander aujourd'hui. On prétend qu'elle oblige à réciter des prières. Oh, ce serait pas trop ridicule. Quelles inepties dit-elle là? Elle a un accent excellent. Lando Bessoubov, pourquoi Bessoubov? Ici, il se surprit dans la mâchoire un mouvement qui allait tourner au bâillement. Il dissimula cet accident en arrangeant ses favoris, mais fut pris de la terreur de s'endormir et peut-être de ronfler. La voix de la comtesse parvint jusqu'à lui, disant « Il dort !» Et il tressaillit d'un air coupable. Ces paroles se rapportaient heureusement à Lando, qui dormait profondément, ce qui réjouit vivement la comtesse. « Mon ami, » dit-elle, appelant ainsi Karénine, dans l'enthousiasme du moment, « donnez-lui la main. » fit-elle à un domestique qui entrait pour la troisième fois au salon avec un message. Lando dormait ou feignait de dormir, la tête appuyée au dossier de son fauteuil, et faisait de faibles gestes avec sa main posée sur ses genoux, comme s'il eût voulu attraper quelque chose. Alexis Alexandrovitch mit la main dans celle du dormeur. Oblonski, complètement réveillé, regardait tantôt l'un, tantôt l'autre, et sentait ses idées s'embrouiller de plus en plus. « Que la personne qui est arrivée la dernière, celle qui demande, quelle sorte !» murmura le français sans ouvrir les yeux. « Vous m'excuserez, mais vous entendez, dit la comtesse. » « Revenez à 10 heures, mieux encore demain. »« Quelle sorte ?» répéta le français avec impatience. « C'est moi, n'est-ce pas ?» demanda Oblonski ahuri. Et sur un signe affirmatif, il s'enfuit sur la pointe des pieds et se sauva dans la rue comme s'il eût fui une maison pestiférée. Pour reprendre son équilibre mental, il causa et plaisanta longuement avec un ivrochnik, se fit conduire au théâtre français et termina sa soirée au restaurant avec du champagne. Malgré tous ses efforts, le souvenir de cette soirée l'oppressait. En rentrant chez son oncle Oblonski, où il était descendu, il trouva un billet de Betsy l'engageant à venir reprendre l'entretien interrompu le matin, ce qui lui fit faire la grimace. Un bruit de pas sur l'escalier l'interrompit dans ses méditations, et lorsqu'il sortit de la chambre pour se rendre compte de ce tapage, il aperçut son oncle, si rajeuni par son voyage à l'étranger, qu'on le ramenait complètement ivre. Oblonski, contre son habitude, ne s'endormit pas aisément. Ce qu'il avait vu et entendu dans la journée le troublait, mais la soirée de la comtesse dépassait le reste en étrangeté. Le lendemain, il reçut de Karénine un refus catégorique au sujet du divorce, et il comprit que cette décision était l'œuvre du français et des paroles qu'il avait prononcées pendant son sommeil vrai ou feint.